Chapitre 7. Dernières années, consommation en Dieu, l'humilité précède la gloire. 1687-1690. En quittant la charge de directrice, sœur Marguerite Marie fut de nouveau mise comme aide à l'infirmerie. Là, elle eut encore de quoi contenter sa soif d'abnégation et d'humilité. Cependant, la sœur Catherine Antoinette de Lévis-Châteaumorant, ayant été nommée maîtresse des novices à sa place, il paraît que notre vénérable sœur à la coque suppléait quelquefois pour cette habile maîtresse. C'est assez dire combien chèrement on continuait à goûter la direction de notre sainte au noviciat. Pour elle, plus elle eût aimé à se cacher, plus Dieu prenait soin de manifester les dons extraordinaires qu'il lui avait faits. Un de ses frères, Jacques à la coque, curé du bois Sainte-Marie, tomba dans une maladie si grande sur la fin de l'année 1686 que trois médecins qui le voyaient l'avaient abandonné. Chrysostome, en son mémoire, ajoute ce détail, qu'il avait la bouche et les dents si serrées que pour lui faire prendre une cuillerée de sirop, on lui rompit une dent et la cuillère aussi. Le même Chrysostome à la coque, mère perpétuelle du bois Sainte-Marie et frère du malade comme de Marguerite Marie, fit partir un express la nuit pour recommander le pauvre curé à leur sœur bien-aimée. Celle-ci, ayant appris qu'il se mourait, répondit qu'elle ne le croyait pas. Et, quittant le messager, elle s'en alla devant le Saint-Sacrement pendant quelque temps, après quoi elle revint avec un air assuré, dire et écrire qu'il n'en mourrait point, ce que la suite a vérifié, parce qu'il fut rétabli dans moins de 8 jours, contre l'attente de tout le monde. Qu'avait fait cette âme angélique pendant ce peu de temps qu'elle avait prié devant le Saint-Sacrement? Elle avait fait bien des promesses au Sacré-Cœur de notre Seigneur pour obtenir la santé au cher malade, et notre Seigneur lui avait répondu « Oui, je te l'accorde, à cette condition que tu me proposes, et je voudrais en faire un saint, s'il voulait correspondre à mes desseins et aux grâces que je lui ferais pour cela. » Au commencement de 1687, elle avertit son frère de tout ce qu'elle a promis pour lui. C'est avec l'autorité d'une sainte mêlée à la tendresse d'une sœur et à l'humilité qui convient à une religieuse qu'elle lui donne les plus admirables conseils. « Dieu ne peut être moqué », écrit-elle. Et, entrant dans le détail, elle signale tout ce qu'il faut corriger dans les habitudes précédentes. L'attache aux choses terrestres, l'amour du jeu, la promptitude de caractère. Cela exposé, elle continue. J'espère tout du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel a tant de tendresse pour vous, qu'il veut que vous vous fassiez saint à quel prix que ce soit. Et c'est pour cela qu'il vous laisse encore en ce monde et qu'il vous a envoyé cette maladie pour vous réveiller et vous faire redoubler le pas. Ah, quel regret pour moi si vous ruiniez les desseins de ce Sacré-Cœur sur vous, ne faisant pas ce qu'il vous fait connaître vouloir de vous. À vous dire la vérité, vous ne trouverez de paix ni de repos que lorsque vous aurez tout sacrifié à Dieu. Vous aurez bien à souffrir pour en venir là. Mais la grâce ne vous manquera pas, ni la force et le secours du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. La voie est ouverte et par ses deux frères, la sainte aura le bonheur de répondre à la dévotion au cœur de Jésus, dans la paroisse du bois Sainte-Marie. Chrysostome va faire bâtir et orner à ses frais une chapelle dédiée au Sacré-Cœur dans la dite église. Jacques, le miraculé, y fondera une messe pour tous les vendredis de l'année, et le premier vendredi de chaque mois, ce sera même une messe solennellement chantée. À mesure que tous ces détails arrivent à leur sœur, elle en ressent de telles consolations qu'elle écrit à son frère le curé. Vous ne sauriez croire le plaisir que vous me faites d'avoir du zèle pour la gloire du Sacré-Cœur de notre divin Sauveur. C'est là, comme je pense, un des plus courts moyens pour obtenir notre sanctification. Et à son frère Chrysostome, il faut exécuter ce que vous m'avez proposé, sans jamais vous en dédire, et vous me donnerez une des plus grandes consolations que je puisse recevoir en cette vie mortelle, puisque rien ne m'y peut réjouir que d'y voir aimer, honorer et glorifier ce divin cœur de mon Seigneur Jésus-Christ. Toutes les nouvelles qui regardent la dévotion au Sacré-Cœur apportent à l'âme de Marguerite Marie d'inexprimables joies. Dans la correspondance des dernières années de sa vie, on sent passer un véritable souffle d'enthousiasme apostolique. Aucun labeur ne lui semble pénible pour arriver à faire connaître le cœur de son Dieu. On est presque surpris de voir cette grande contemplative devenue si active. C'est que l'amour est extatique, sortir pour se répandre, c'est sa nature. La mère de Soudeï n'avait pas reçu en vain les petits présents que son humble ami de Paray lui avait envoyés le 15 septembre 1686. Croyant répondre à une inspiration céleste, elle s'était empressée de réunir tout ce qu'elle estimait le plus capable de faire connaître la dévotion au Sacré-Cœur, c'est-à-dire ce que le père de la Colombière en a écrit dans sa retraite, puis la petite consécration, une amende honorable au Sacré-Cœur, les litanies du cœur de Jésus et celles du cœur de Marie. Bientôt, le livret de 12 pages est édité à Moulins même, chez la veuve de Claude Vernois, sous ce titre. La dévotion au cœur de Jésus-Christ, pour les premiers vendredis de chaque mois. Un des premiers soins de la mère de Soudeï fut d'en envoyer un exemplaire à la servante de Dieu. Du même coup, c'était la réjouir et la consterner, car jamais, à son avis, on n'en dirait assez du cœur de Jésus, mais toujours on en dirait trop d'elle. Or, en copiant le passage du père de la Colombière et la petite consécration, la mère de Soudeï avait, par là même, infligé une rude humiliation à notre sainte, qui avoue à la mère de Sommez en avoir ressenti des confusions effroyables. « Mais la volonté de Dieu soit faite », ajoute-t-elle. L'affaire de la planche des images du Sacré-Cœur traînant en longueur et ne réussissant pas, sœur Alacoque se tourne encore vers sa chère mère de Sommez, que notre Seigneur lui montre avoir substitué en la place de notre bon Saint-Père la Colombière pour l'établissement de la dévotion de son Sacré-Cœur. Dijon est un foyer d'apostolat où la gloire du Sacré-Cœur fait faire des merveilles. La sœur Jeanne-Madeleine Joly reçoit l'ordre d'esquisser une image du Sacré-Cœur, sa main inexpérimentée et guidée par tant d'amour, qu'elle arrive non pas à produire une œuvre artistique mais une œuvre pieuse, que Marguerite Marie peut accueillir avec une sorte de ravissement. Je ne puis vous exprimer les doux transports de ma joie en recevant votre image qui est telle que je la désirais. Le fait est que le peintre auquel le travail de la sœur Joly fut soumis n'y trouva presque rien à retoucher. Dans les premiers mois de 1687, la servante de Dieu reçut une fois encore la charge de maîtresse des petites sœurs. Elle y avait naturellement beaucoup de répugnance, mais n'en témoigna rien. Seulement, de plus en plus attirée vers le Saint-Sacrement, elle savait adroitement se ménager des loisirs, priant son aide de la remplacer toutes les après-dînées des fêtes pour aller se consumer devant les autels, promettant à la sœur d'y demeurer une demi-heure à son intention. Vers ce temps-là, il lui survint encore un panaris. Elle porta en silence les douleurs aiguës que cause ordinairement un tel mal. Mais une des petites filles, s'étant aperçue que leur sainte maîtresse se relevait toutes les nuits, en avertit la supérieure. La mère Melun demanda à sœur Marguerite Marie à voir son mal et pourquoi elle n'en avait rien dit. « C'est si peu de choses, ma chère mère, que cela ne méritait pas d'en parler. » On fit pourtant venir le médecin. Celui-ci en jugea bien autrement et trouva le cas si grave qu'il fallut même recourir au chirurgien. Le doigt dut être ouvert jusqu'à l'os. La patiente, ne bougeant ni se plaignant le moins du monde pendant cette opération, ses messieurs n'en revenaient pas. Et le chirurgien, voyant qu'elle restait comme insensible, dans les grandes douleurs qui lui faisaient souffrir chaque jour pour la pensée, ne comprenait rien à tant de vertu. Il finit par dire agréablement qu'il fait bon être sainte. Ce calme imperturbable dans la souffrance nous paraît un mystère. Il s'éclaircira cependant jusqu'à un certain degré quand la sainte nous aura expliqué les ordres reçus de notre Seigneur. Il voulait que je souffrisse tout en silence et voulait que j'attendisse tout de lui. Et s'il arrivait que je me voulusse procurer quelque consolation, il ne me faisait rencontrer que de la désolation et de nouveaux tourments pour tout soulagement. Ce que j'ai toujours regardé comme une des plus grandes grâces que mon Dieu m'a faite, avec celle de ne pas ôter ce précieux trésor de la croix. C'était dans ces sentiments, et parmi les délices de la croix, que je disais, « Que rendrai-je au Seigneur pour les grands biens qu'il me fait ? Ô mon Dieu, que vos bontés sont grandes à mon égard, de vouloir bien me faire manger à la table des saints, et des mêmes viandes dont vous les avez substantées, me nourrissant avec abondance des mets délicieux de vos favoris et plus fidèles amis, moi qui ne suis qu'une indigne et misérable pécheresse. Sans transition aucune, elle pousse cet élan séraphique. Aussi, savez-vous bien que sans le Saint-Sacrement et la croix, je ne pourrais pas vivre ni supporter la longueur de mon exil. Le Dieu du tabernacle et du calvaire l'a entendu. Il va lui répondre. Le vendredi saint de l'année 1687, 28 mars, cette âme affamée du pain eucharistique se prit à dire à son bien-aimé « Aimable Jésus, je me veux consommer en vous désirant. En ne vous pouvant posséder en ce jour, je ne laisserai de vous désirer. » Il vint la consoler de sa douce présence, disant « Ma fille, ton désir a pénétré mon cœur si avant, que si je n'avais pas institué ce sacrement d'amour, je le ferais maintenant pour me rendre ton aliment. Je prends tant de plaisir d'y être désiré, qu'autant de fois que le cœur forme ce désir, autant de fois je le regarde amoureusement pour l'attirer à moi. » Serait-ce la même grâce qui se trouve rapportée dans l'autobiographie, mais d'une manière quelque peu différente? Une fois que je le désirais ardemment, mon divin maître se présenta devant moi comme j'étais chargé de balayure. Il me dit « Ma fille, j'ai vu tes gémissements et les désirs de ton cœur me sont si agréables que si je n'avais pas institué mon divin sacrement d'amour, je l'instituerais pour l'amour de toi, pour avoir le plaisir de loger dans ton âme et prendre mon repos d'amour dans ton cœur. Ce qui me pénétra d'une si vive ardeur que j'en sentais mon âme toute transportée et ne pouvait s'exprimer que par ces paroles. Ô amour, ô excès de l'amour d'un Dieu envers une si misérable créature. » Mais à côté de ces paroles capables de transfigurer toute une vie, notre Seigneur lui en adressait d'autres, non moins belles, pour tenir cette âme dans la surnaturelle conviction qu'il était tout et qu'elle n'était rien. Une fois, il me fut dit d'une voix pleine d'autorité, « Je te rendrai si pauvre, si vil et abject à tes yeux, et je te détruirai si fort en la pensée de ton cœur, que je pourrai m'édifier sur ce néant. » Ces paroles eurent tant d'effet en moi, que je n'y pouvais penser qu'avec horreur, tant j'y voyais de misère. Notre Seigneur lui avait dit qu'il voulait se servir d'elle comme d'un canal pour répandre ses grâces à profusion dans les âmes. Cette assurance suffit pour faire croire à la prodigieuse miséricorde dont il allait lui confier le secret. Un jour de vendredi, pendant la sainte communion, il dit ces paroles à son indigne esclave, si elle ne se trompe. « Je te promets dans l'excessive miséricorde de mon cœur que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront 9 premiers vendredis des mois de suite. » La grâce de la pénitence finale, ne mourront point dans ma disgrâce et sans recevoir leur sacrement, mon divin cœur se rendant leur asile assuré au dernier moment. Ce qu'elle a entendu, elle le répète. Peut-être objectera-t-on, elle n'a pas compris. Cela ne peut avoir été dit. Changeons nos pensées, croyons que rien n'est impossible à Dieu, surtout quand il a résolu de manifester l'excessive miséricorde de son cœur. Ayant été réélue supérieure à l'Ascension de l'année 1687, la mère Marie-Christine Melun choisit de nouveau la sœur à la coque pour assistante et la proposa à l'élection de la communauté, qui se fit honneur une seconde fois en élisant une personne d'un tel mérite. Tout ce qu'il élevait aux yeux des créatures était pour sœur Marguerite Marie une croix très pesante, d'autant que, au témoignage des contemporaines, l'estime et vénération singulières qu'on eut pour sa sainteté l'empêchèrent de trouver de nouvelles occasions de souffrir. Écrivant pendant le carême de 1688 à l'une de ses plus intimes amies, la sœur Félice Madeleine de la Barge, à Moulins, elle lui dit simplement « Il faut vous avouer au sujet des charges que vous ne sauriez croire combien j'ai senti ma faiblesse en se rencontre par mon peu de soumission qui m'a fait jouer bien des personnages pour me défaire de la nôtre, mais en vain. C'est pourquoi il nous faut abandonner et, par un parfait oubli de nous-mêmes, ne rien vouloir ni désirer, et nous trouverons tout en Dieu. » Cette sœur de la Barge, que de conseils admirables, que de paroles embrasées n'eut-elle pas le bonheur de recueillir directement de la grande privilégiée du cœur de Jésus? Un jour, celle-ci lui écrira « Je ne peux vous dire autre chose, sinon que l'anéantissement de vous-même vous élèvera à l'union de votre souverain bien. En vous oubliant de vous-même, vous le posséderez. Et en vous abandonnant à lui, il vous possédera, et à notre jour. Il ne faut que l'aimer, ce saint des saints, pour devenir sainte. Qui nous empêchera donc de l'être, puisque nous avons des cœurs pour aimer et des corps pour souffrir? Mais hélas, peut-on souffrir quand on aime? Non, cher ami, Il n'y a plus de souffrance à ceux qui aiment ardemment le Sacré-Cœur de notre aimable Jésus, parce que les douleurs, les humiliations, mépris et contradictions, et tout ce qu'il y a de plus amer en la nature, est changé en amour dans cet adorable cœur, lequel veut être aimé sans mélange. Il veut tout posséder sans réserve, et il veut tout faire en nous, sans résistance de notre part. Livrons-nous donc à son pouvoir, confions-nous en lui, laissons-le faire, et nous verrons qu'il y emploiera immanquablement tous les ouvriers nécessaires à notre perfection, en telle sorte que la besogne sera bientôt faite, pourvu que nous n'y apportions point d'obstacle. Et une autre fois, pour ce qui est d'entrer dans son Sacré-Cœur, allez, que devez-vous craindre, puisqu'il vous invite d'y aller prendre votre repos? N'est-il pas le trône de la miséricorde, où les plus misérables y sont les mieux reçus, pourvu que l'amour les présente dans l'abîme de leur misère? Et si nous sommes lâches, froids, impurs et imparfaits, n'est-il pas une fournaise ardente où il nous faut perfectionner et purifier comme l'or dans le creuset? Notre Seigneur avait assuré sa servante que toutes les grâces qu'elle recevrait ne l'empêcheraient jamais d'observer ses règles et d'obéir aveuglement. Mon divin Sauveur, m'ayant fait connaître qu'il les avait tellement soumises à l'obéissance, ces grâces, que si je venais à m'éloigner tant soit peu, il se retirerait de moi avec toutes ses faveurs, enfin que cet esprit qui me conduit et qui règne en moi avec tant d'empire, me porterait à 5 choses. À aimer d'un amour extrême mon Sauveur Jésus-Christ, à obéir parfaitement à l'exemple de mon Seigneur Jésus-Christ, à souffrir sans cesse pour l'amour de Jésus-Christ, à vouloir souffrir sans qu'on s'aperçoive s'il le peut que je souffre, à avoir une soif insatiable de communier et d'être devant le Saint-Sacrement. Il me semble que toutes ces grâces jusqu'ici ont produit en moi tous ces grands effets. Quel témoignage! Ainsi la force de la vérité oblige notre sainte à confesser que, son âme n'ayant apporté aucune résistance à l'action divine, toutes les prédictions du Maître se sont pleinement accomplies en elle. Et comme conséquence, elle ajoute immédiatement: au reste, je vois plus clair que le jour qu'une vie sans amour de Jésus-Christ, c'est la dernière de toutes les misères. Depuis longtemps déjà, l'humble Marguerite se sentait pressée de demander, par l'intercession de saint François de Sales, toutes les grâces nécessaires à son cher institut de la Visitation, surtout la perfection de l'union et de la charité, ces vertus fondamentales de tout l'ordre. Mais notre Seigneur, ayant plusieurs fois rejeté sa demande, elle lui dit un jour: « Non, mon Dieu, je ne vous quitterai point que vous ne m'accordiez cette grâce, et tant qu'il me restera de voix et de mouvement, je l'emploierai pour vous le demander. » Notre Seigneur reprit: « Je te promets d'exaucer ta demande, si l'on fait ce que je te commande. Que chacune fasse une sérieuse recherche dans son intérieur de tout ce qui peut faire obstacle à ma grâce, dont l'un des plus grands est une certaine petite jalousie et envie les unes contre les autres, et une secrète froideur qui détruit la charité et rend mes grâces inutiles. » Et saint François de Sales lui dit: une véritable fille de la Visitation doit être une hostie vivante, à l'imitation de Jésus-Christ. Ce fut bien le même langage que lui tint la sainte fondatrice, la vénérable mère de Chantal, lorsque, dans une autre occasion, elle lui dit: les vraies filles de la Visitation ne se doivent réjouir qu'en la croix, et ne se glorifier que des humiliations, puisqu'elles ne doivent triompher que par la croix. Un jour de la Visitation, étant devant le Saint-Sacrement, Sœur Marguerite Marie priait avec de véritables instances pour tout son saint ordre. Mais la divine bonté se montrait inflexible à sa prière. « Ne m'en parle plus, ils font la sourde oreille à ma foi, et ils détruisent le fondement de l'édifice. Mais s'ils pensent de l'élever sur un étranger, je le renverserai. » Il fallut que la Sainte Vierge plaida la cause de la Visitation. La lutte fut longue entre le divin Fils et la divine Mère. Enfin, celle-ci remporta la victoire, mais le démon en devint si furieux que, en rageant de dépit, il éleva soudain un formidable tourbillon qui parut devoir renverser l'église du monastère. Et, rompant par 2 fois les rideaux de la grille, Satan fit retentir ses paroles: « C'est ainsi que je voulais renverser l'ordre de la Visitation, s'il n'avait été soutenu par cette forte colonne, contre laquelle je n'ai point de pouvoir. » Monseigneur Languet dit: le fracas qui se fit alors dans l'église fut si sensible qu'une religieuse qui était en station avec sœur Marguerite devant le Saint-Sacrement, saisie d'effroi, se leva avec précipitation pour s'enfuir. Mais sœur Marguerite la rappela et lui dit d'un air tranquille, « Ne craignez rien, cela est fini, il n'en fera pas davantage. » Ce qui, en rassurant la sœur effrayée, lui fit comprendre que sœur Marguerite avait eu une vision. Dans sa retraite de la même année, une grâce de contrition extraordinaire est accordée à la servante de Dieu. Pendant 5 ou 6 heures, elle ne fait que pleurer ses péchés, mais avec des larmes de feu, car ce sont des larmes d'amour. Notre Seigneur se présente devant elle et lui dit, « Ma fille, veux-tu bien me sacrifier les larmes que tu as versées pour laver les pieds de ma bien-aimée qui s'est souillée en poursuivant un étranger ?» Et lui-même explique ce qu'il veut dire. Sa bien-aimée, c'est la visitation. Elle est entrée dans un purgatoire, c'est-à-dire dans les retraites annuelles, pour se purifier. « Ma fille, donne-leur ce dernier avertissement de ma part, que chacune pense à part soi, à faire profit de la grâce que je lui présente par l'entremise de ma Sainte Mère, car celles qui n'en profiteront pas demeureront comme des arbres secs qui ne rapportent plus de fruits. » Tout permet de croire que la divine miséricorde fut entendue. Nous voici au 2 juillet 1688 et cette fois la scène change. On n'entend plus que des paroles de bénédiction. Étant devant le Saint-Sacrement, sœur Marguerite Marie vit un lieu fort éminent, spacieux et admirable en sa beauté. Le cœur de Jésus rayonnait au centre comme sur un trône de flamme. La très sainte Vierge était d'un côté, saint François de Sales et le père de la Colombière de l'autre. Les filles de la Visitation paraissaient en ce lieu avec leurs bons anges. La Reine du Ciel les encourage, « Venez, mes bien-aimées filles, approchez-vous. » Puis, leur montrant le divin cœur, « Voilà ce précieux trésor qui vous est particulièrement manifesté par le tendre amour que mon fils a pour votre institut, qu'il regarde et aime comme son cher Benjamin, et pour cela le veut avantagé de cette portion par-dessus les autres. Et il faut non seulement qu'elles s'enrichissent de ce trésor, mais encore qu'elles distribuent cette précieuse monnaie de tout leur pouvoir, avec abondance, en tâchant d'en enrichir tout le monde, sans crainte qu'il défaille, car plus elles y en prendront, plus elles en trouveront. » Ensuite, se tournant vers le bon père de la Colombière, cette mère de bonté lui dit, « Pour vous, fidèle serviteur de mon divin fils, vous avez grande part à ce précieux trésor, car s'il est donné aux filles de la Visitation de le connaître et se distribuer aux autres, il est réservé au père de votre compagnie d'en faire voir et connaître l'utilité et la valeur. » Jamais la sainte ne perdit le souvenir de cette communauté de privilèges, répartie gratuitement par le Sacré-Cœur entre la compagnie de Jésus et l'ordre de la Visitation. Aussi, lorsque la Providence la mettait en rapport avec quelques pères de ses saintes compagnies, comme elle était fidèle à leur rappeler leur glorieuse mission. Le 10 août 1689, elle écrivait au père Croiset, « C'est là où je me voudrais fondre d'actions de grâce et de reconnaissance envers ce divin cœur, pour les grandes grâces qu'il nous fait, en voulant bien se servir de nous pour aider à le faire connaître, aimer et honorer, à quoi il attache des biens infinis pour tous ceux qui s'y emploieront de tout leur pouvoir, suivant son inspiration. Mais quoi que ce trésor d'amour soit un bien propre à tout le monde, et en qui chacun a droit, il a néanmoins toujours été caché jusqu'à présent, qu'il s'est particulièrement donné aux filles de la Visitation, parce qu'elles sont destinées à honorer sa vie cachée, afin que leur étant découvert, elles le manifestassent et distribuassent aux autres. Mais il est réservé au révérend père de la Compagnie de Jésus de faire connaître la valeur et l'utilité de ce précieux trésor, où plus l'on prend, plus il y a à prendre. Il ne tiendra donc qu'à eux de s'en enrichir, avec abondance de toutes sortes de biens et de grâces, car c'est par cet efficace moyen qu'il leur présente qu'ils pourront s'acquitter parfaitement, selon son désir, du saint ministère de charité auquel ils sont destinés. Car ce divin cœur répandra tellement la suave onction de sa charité sur leurs paroles qu'elles pénétreront, comme un glaive à deux tranchants, les cœurs les plus endurcis, pour les rendre susceptibles à l'amour de ce divin cœur, et les âmes les plus criminelles seront conduites par ce moyen à une salutaire pénitence. Enfin, c'est par ce moyen qu'il veut répandre sur l'ordre de la Visitation et sur celui de la Compagnie de Jésus l'abondance de ses divins trésors de grâce et de salut, pourvu qu'il lui rende ce qu'il en attend, qui est un hommage d'amour, d'honneur et de louange, et de travailler de tout leur pouvoir à l'établissement de son règne dans les cœurs. Il attend beaucoup de votre sainte compagnie pour ce sujet. » Elle expose alors au père Croiset ce que le cœur de Jésus veut personnellement de lui. Avant tout, c'est sa sanctification, et elle lui dit, « À mesure que vous y travaillerez, ce divin cœur vous sanctifiera de sa sainteté même. » Dans cette même lettre, elle insinue que le Sacré-Cœur cherche des cœurs vides pour les remplir de la suave onction de son ardente charité, pour les consommer et les transformer tout en lui. Elle ajoute, il veut des esprits humbles et soumis, sans curiosité que d'accomplir son bon plaisir. Au même endroit, elle donne comme un précis des promesses que ce cœur sacré lui a faites, pour ceux qui se consacreront et dévoueront à lui, marquant autre chose, qu'il ne les laissera jamais périr et qu'il leur serait un asile assuré contre toutes les embûches de leurs ennemis, mais surtout à l'heure de la mort. De plus, qu'il réunirait les familles divisées par ce moyen et protégerait celles qui seraient en quelque nécessité et qu'il répandrait cette suave onction de sa charité dans toutes les communautés religieuses où il serait honoré et lesquelles se mettraient sous sa particulière protection, qu'il en tiendrait tous les cœurs unis pour n'en faire qu'un même avec lui, et qu'il en détournerait les traits de la divine justice. Quand on apprend à sœur Marguerite Marie que le culte du Sacré-Cœur est accueilli en particulier ou en public, elle en tressaille. Mais de bonne foi, elle se figure qu'elle est un empêchement à cette diffusion, qu'elle souhaiterait déjà universelle. Voici qui est à remarquer. La sœur à la coque disait souvent que le diocèse d'Autun serait le dernier à honorer le Sacré-Cœur, parce qu'elle s'y croyait un obstacle. Le motif qu'elle allègue n'était qu'une illusion de son humilité. Mais la première partie de la prédiction devait avoir son accomplissement puisque, moins favorisé que la plupart des autres monastères de l'ordre, celui de Paray obtint de ses supérieurs ecclésiastiques la permission de solenniser la fête du Sacré-Cœur qu'en l'année 1713, et alors que nombre d'églises avaient adopté déjà la chère dévotion sous l'autorité de leur pasteur, ce ne fut qu'en 1721 que Monseigneur d'Alencourt de Droménil, évêque d'Autun, ordonna enfin de célébrer la fête du Sacré-Cœur dans tout son diocèse. Cependant, un jour de bien pur bonheur avait lui pour l'apôtre du cœur de Jésus, vers la fin de l'année 1688. La chapelle, projetée dès le 21 juin 1686, était achevée. Le cœur sacré avait eu pour si agréable le zèle que la mère Marie-Christine Melun avait mis à lui faire élever un sanctuaire où il serait adoré, qu'en récompense, il lui promettait le privilège de mourir dans l'acte du pur amour. Pour notre sainte, quel doux message à lui transmettre cette fois. Le tableau du Sacré-Cœur qui devait orner le nouvel édifice avait été exécuté par les soins de la mère de Sommez, d'après la miniature envoyée par la mère Greffier. Il avait parfaitement satisfait leur ancienne fille qui écrivait à la première. Je ne peux vous exprimer le doux transport de joie que ressentit mon cœur à la vue de notre tableau, que je ne me lasserai jamais de regarder tant je le trouve beau. Il n'y avait plus qu'à inaugurer le petit temple, après en avoir fait la solennelle bénédiction. Elle fut fixée au 7 septembre 1688. Ce ne fut pas seulement une fête pour le monastère, toute la ville voulut s'y associer. Messieurs les sociétaires du Mépare et les curés des paroisses voisines se réunissent à l'église paroissiale, puis se forment en procession. Ils se dirigent vers l'enclos du couvent qu'ils traversent pour arriver à la chapelle, élevée à l'angle nord-est du jardin. Derrière eux, voici toute une légion de fidèles qu'on ne peut empêcher d'entrer. À 1 heure de l'après-midi, les prières de la bénédiction commencent et la cérémonie dure jusqu'à 3 heures. Plus longtemps se prolonge la contemplation, ou plutôt l'extase de sœur Marguerite Marie, qui, tout abîmée en Dieu dans un coin du sanctuaire, ne voit rien, n'entend rien. En ce moment, elle est plus au ciel que sur la terre. Déception pour les nombreux visiteurs qui avaient si bien espéré lui parler. Il fallut s'en retourner avant qu'elle fût sortie de son ravissement. Qui peut aller contre la parole de l'époux céleste? N'éveillez pas ma bien-aimée et ne la tirez pas de ce repos avant qu'elle-même le veuille. On sut bien s'en dédommager plus tard puisque nous voyons dans la déposition de la sœur de Farge que des prêtres, religieux, prédicateurs et autres venaient consulter la vénérable sœur à la coque sur leurs difficultés. Et qu'il sortait de sa conversation si content qu'il disait ordinairement « Nous venons de voir la sainte ». La sœur de la garde assure de son côté qu'elle a vu plusieurs personnes irrégulières et séculières s'adresser à la vénérable sœur pour lui parler sur les peines qu'elles avaient et qu'elles sortaient toujours consolées d'auprès d'elle, avouant qu'elles étaient charmées d'entendre la servante de Dieu parler avec tant de facilité et une éloquence qui ne paraissait pas naturelle des mystères de notre foi, ce qui charmait sœur Marguerite Marie. C'était de voir cette dévote chapelle très fréquentée de toutes les sœurs et devenue le but de pieux pèlerinages de la part de la communauté, surtout les premiers vendredis du mois, que l'on s'y rendait en procession, chantant les litanies du Sacré-Cœur, et renouvelant l'amende honorable avec la consécration. Dans tous ces consolants progrès, combien de motifs de répéter l'un des plus chers refrains de son amour envers le Sacré-Cœur. Ce me serait un doux plaisir d'être anéanti pour le faire régner. Cependant, à l'époque où nous en sommes arrivés de sa vie, la vénération générale lui faisait, malgré elle, comme un cortège d'honneur. Sœur Marie Lazare d'Usson, qui avait l'avantage de souvent s'entretenir avec ce séraphin terrestre, entendant un jour lire au réfectoire la vie de Sainte Catherine de Sienne, pensait en elle-même. « Oh, si je pouvais voir une personne qui lui ressemblât, que je m'estimerais heureuse !» En même temps, notre Seigneur lui dit intérieurement, « Regarde, voilà ma bien-aimée à qui je n'ai pas fait moins de grâce et de faveur. » Ouvrant alors les yeux, elle vit la sœur à la coque, qui était assistante et se trouvait en face d'elle. Et sur l'heure, une impression de grâce qui ne pouvait tromper, lui désignait cette âme comme celle dont l'Esprit-Saint rendait ce témoignage. »